ça me sent depuis longtemps. À toi-même quotidiennement, ouais. À toi-même quotidiennement. Dans la rue c'est trop la jungle. Partout ils sont devenus dingues. Partout ils sont devenus dingues. Alors tu te mets à faire pareil. Alors tu te mets à faire pareil. Tu brûles des voitures et des poubelles. Tu brûles des voitures et des poubelles. Ciao bambino. Tu t'es fait trouer la peau. Ciao bambino. Assassiné par un salaud. Ciao bambino. Payant dans ton propre sang. Ciao bambino. Tu n'étais qu'un adolescent. Ciao bambino, baignant dans ton propre sang. Ciao bambino, tu n'étais qu'un adolescent. Triste fin pour toi gamin, y'a déjà plus de lendemain. Triste fin pour toi gamin, on dit que c'est le destin. Triste fin pour toi gamin, y'a déjà plus de lendemain. Ciao bambino, tu t'es fait trouer la peau. Ciao bambino, assassiné par un salaud. Ciao bambino, baignant dans ton propre sang. Ciao bambino, tu n'étais qu'un adolescent. Ciao bambino, tu t'es fait trouer la peau. Ciao bambino, assassiné par un salaud. Ciao bambino, baignant dans ton propre sang. Ciao bambino, tu n'étais qu'un adolescent.